أنا لم أشتريها إنها هدية من خالي. Et finalement, j'ai dû acheter cette jolie montre pour Abdullah. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que c'est un cadeau de mon oncle. Non. De mon oncle maternel. J'ai dit, j'ai acheté. Et au début, il est Moutassil Odamir, j'ai tout. Ou j'ai tout. Et le deuxième, il est Majzoum par Lem. اشتريها لم اشتريها يا بد يا نعم خامس عشر لا تشتري هذه السيارة يا أحمد فإنها قديمة جدا لا نشتري pas cette voiture أحمد parce qu'elle est très ancienne نعم مشاهد لا تشتري ça vient toujours du verbe اشترى il est majoub par la naïa ça dit عشر قال الله عز وجل في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم. الله يجي dans سورة الفيل l'éléphant dans une traduction relative sur le verset. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? L'éléphant. Donc là, le shahid ألم ترى ترى à la base c'est ترى avec un alif maksour comme Moussa. Et comme il est mortel à akhir, il est majoum par alam, ou plutôt lem. Donc là, le majoum, on a enlevé le alif. Tara, fakoula kala. Taïeb. Donc ça, concernait le mortel à akhir, qui est un alif maksou qui devient un ya ou mudaria. Maintenant, on prend celui qui est un alif mamdoud qui devient un waou ou mudaria. Et dire, khamisan, ta'amel le misel, sou maktoub el mudaria el marfou, ou al mudaria el majoum, ou al am, min el afal atia. Le premier, da'a. Qui veut dire, on a dit, invoquer, appeler, inviter, ainsi de suite. Le mudali al-marfou, yad'ou. Aslou, yad'ou. Pareillement, l'origine, c'est comme une domma que le marfou, mais le waou, montel akhir, il est comme le ya, il ne prend pas de haraka. Donc la domma, elle ne s'écrit pas. Mais elle est sous-entendue, elle est muqaddara, comme on dit, elle est muqaddara. Tout ça, il y aura plus de tafsir, inshallah, dans l'Ujurumiya ou d'autres kutub. Le mudali al-majoum. Parce qu'il est majoum, tu dis, l'âme, Yad'ou. Donc là, c'est quoi le signe du jazm? On enlevait le harf illa, on enlevait le waou. Et la domma qui est sur le ayn, c'est une preuve, voyez, qui t'indique que la lettre qui a été enlevée, c'est un waou. Sinon, tu ne veux pas savoir. Cette domma là que tu vois sur le ayn, lam yad'ou, voyez, c'est une preuve que la lettre enlevée, c'est un waou. Et pareillement, on ne l'avait pas dit dans les autres verbes avec le ya. Par exemple, lam yabki, voyez, la domma, la kasra qu'il y a sous le kef, par exemple. Pareillement, c'est une preuve qui démontre que la lettre qui a été enlevée, c'est un ya, à l'origine. Al-am, oud'ou. Tayyib, oud'ou. Et comme elle a été fait, on a enlevé le waou. Tayyib, le lam a été enlevé. Tayyib, idda, bishaka. Faddal. Shaka, yashku. Lam yashku, ushku. Tala, yatlu. Lam yatlu, utlu. Tala, ça veut dire quoi déjà? Tala, yani, psalmoji. Réciter lire maha yamhu lam yamhu umhu imaha ça veut dire quoi effacer nam afa yafu lam yafu ufu t'as rien pu dire pardonner Hassan donc maman il va donner des exemples avec des phrases mufida des jumelles mufida avec ces verbes ikrama yali. Une odeur bizarre. Je sais pas, je suis un peu enrhumé donc je serais pas. Mana mortabar. Taïb. Taïb, jumal oula, t'fadol. Nan. Chacun y zameli il al mudarris. Wana chacun ou touhou il al mudir. Yanni, mon camarade s'est plaint auprès du professeur. C'est plaint de moi. C'est plein de moi auprès du professeur. Et moi, je me suis plein de lui auprès du directeur. Non, donc le chahid, c'est Shaka Yashko. Aïe. Tala l'imam, surat al-fil, fi rakat al-oula, wa surat al-ikhlas, fi rakat al-thaniya. Yani, l'imam a récité la surat al-fil dans la première rakat, et surat al-ikhlas dans la deuxième rakat. Non, le chahid, tala, non, qui veut dire, c'était moulia. ثالثا اتلو سورة الرحمن يا علي يعني غسيت لا سورة الرحمن و علي دونك اتلو سي لو امر دو تلا يتلو رابعا دعوت صديقي الى قريتي يعني جي انفيتي مون امي dans mon village. Non, donc là c'est de da'a yad'u. Tu dis da'a ou tout. Lorsque da'a, ça revient, inshallah. Vas-y, Ramisan. Lam yashkouni al-mudiru ila abi. Le directeur ne s'est pas plaint auprès de mon père. De moi, de moi auprès de mon père. Non, non. Donc là le shahid c'est chaque yashkou il est le majoum par même. Qala al-mudarris li-talibin. Li-talib. Afawtu anka. Le professeur a dit à l'élève, il a dit, je te pardonne, c'est ça? Non, je te pardonne. Donc là, le shahid, afa ou anka, afa yafo. Ça va bien? Lima tamhu hadhi al-kalima hiya sahiha. Umhu allati ba'daha. Umhu allati ba'daha, n'am. Pourquoi tu effaces ce mot? Elle est authentique? Il est. Il est authentique plutôt. Non. Correct. Alors. Yani efface celle qui vient après. Non. Donc là le shahid tamhu min maha. Ça veut dire effacer. Et umhu c'est le mot, c'est le amr, l'impératif. Efface. Faminan. Ayya suratin tatlina ya umma kuthum. Atlu surata. Ah. Ana. Atlu. Atlu nam. Atlu surata. Yassine. Et quelle surat as-tu récité au maire de Kouthoum? Plutôt ça, c'est mon droit à dire. Quelle surat récites-tu? Quelle surat récites-tu au maire de Kouthoum? Au maire de Kouthoum, j'ai récité surat Yassine. Pareil, c'est mon droit à dire. Je récite aujourd'hui. Ça y est. T'as assez, hein? Ah ouais, le chalit tatlina mine de tela yatlou. On va apprendre, inchallah, quand les damaïdes ils sont rentrés. Pourquoi, quand est-ce qu'on enlève le aïn le lem plutôt, du verbe. T'as assez, hein? Nad'u Allah an yashfiak. Nam. Yani nous implorons Allah qui te pardonne, qui te guérisse. Nam. Chalit nad'u min da'a yad'u. Ashiran. Ashika utani. إلى المدير يا حمزة لا لم أشكك يعني t'es-tu plein auprès du directeur ou Hamza t'es-tu plein de moi non de moi non auprès du directeur ou Hamza non je ne me suis pas plein de toi donc le shahid chaka utani de chaka yashku. Et l'autre, c'est la mashkouk, mashzoum, bilem. Nam. Hadi Achar. Qala Nuh, alayhi salam, Rabbi, inni da'outu qawmi, laylan wa nahara, kama ja fi surat Nuh. Nuh, alayhi salam, Hadi, monseigneur, j'ai certainement appelé mon peuple, nuit et jour. Non. Comme il est venu dans le surat al-Nur. Non. Le shahid da'awtu min da'ayadu. Qala Allah ta'ala fi surat al-Baqara Ulaika yad'una ila al-nari Wallahi yad'u ila al-jannah. Allah ta'ala dit dans surat al-Baqara Cela ils appellent au feu alors qu'Allah appelle au paradis. Non. Donc avec le shahid, yad'ouna, qui est da'a yad'ou, et yad'ou, Allah yad'ou, min da'a yad'ou. On doit lire. Salut Hachar. Donc à la fissurati Yunus, Wallah yad'ou, il a d'ar salam. Donc, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans surati Yunus, et Allah appelle. Yani à la maison de la paix, c'est ça? Ouais. On va dire ça, hein? Non. Littéralement parlant, c'est comme ça que ça dure. Maintenant, s'il y a un sens, tafsir ou quoi, je ne le connais pas. Non. Rabbi Achar.

Quand on fait tomber le ya, on laisse le waou. Et le waou, il se waou le jama'a. Donc quand on dit l'aouled yamchoun, c'est comme si c'est à la wazn. Taïeb, à la wazn, yaf'oul. Yaf'oun, la fois, c'est pas yaf'oul, c'est yaf'oun. À la wazn, yaf'oun. On enlève le lem. Aminatu, tamshi. Là, y'a rien. Albenatu, yamshina. Nous, n'y soit. Anta, tamshi. Antum, tamshuna. En flou, tamshiyoun. Et pareillement, on enlevait. En fait, tamshoun à la waz, tafoun. Anti, tamshina. En slou, tamshiyina. Il y a deux ya. Et comme on a deux ya qui se rencontrent et tout, on enlève un des deux, donc on dit tamshin. Antunna, tamshina. Ana, amshi, nahnou, namshi. Rabi Achar. Isnad fiel l'om min macha. Il est dans le maïa. Il t'apprend comment mettre le fiel l'om avec ce verbe ou l'impératif. Imshi, yahamid. Donc là, on enlevait hafa'illah, on enlevait l'am qui est le ya. Imshi. Imshu, ya'aouled. Donc là, on a mis au jama'a. Fakat. Imshi, ya'amina. Donc là, le ya de amina, c'est le ya mukhataba. C'est un damir. C'est pas le ya du fiel. Imshina, ya'benaetu. Donc là, on a remis le ya. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui vient derrière. Donc on a dû remettre le ya. Donc là, il n'y a rien. Et il est même ni, fiel en même ni. Khamis Rachar, Isnad, Nasiya, il est dans Maïr. Donc c'est les mêmes règles. Tayyib, c'est les mêmes règles. Hamidun, Nasiya. Damir, c'est Oua. El Aouled, Nasu. Ansluhu, Nasiyu. On a enlevé le Ya, on a essayé juste Oua ou Jama'a. Alawazn, Yefroun. Tayyib, Alawazn, Yefroun. Ou Faroun, enfin. El Aouled, Nasu, comme si tu disais, El Aouled, Farou. Aminatou, Nasiat. El Benet, Tansina, Nasina. Anta, Nasita. Antum, Nasitum. Anti, Nasiti. Antunna, Nasitumna. Ana, Nasitu, Nahnu, Nasina. Maintenant, on dit quoi? C'est le Sachar. Isnad, Yansa, il est Damayer. Maintenant, c'est le Moudalia. Hamidun, Yansa. Donc, le Damir, c'est quoi? El Aouled, Yensaoun. Attention, là, une fois, tu as le waouh. Yensaoun. Oslohu. Yensayoun. Non, ça se dit pas. Donc, on enlève le ya, on a dit c'est le waouh. Aminatu. Tansa. El benet. Yensina. Là, le alif est devenu un ya, à cause du nous n'y soit. Anta. Tansa. Antum. Tansaoun. Oslohu. Tansiyoun. Vous voyez? Tansiyoun. Mais ça se dit pas pareillement, donc on enlève le ya, et on a mis le waouh jamara directement. Anti. Tansina, Oslou, Tansina, il y a deux ya, on a enlevé l'un des deux. Antunna, Tanseina. Antunna, Tanseina. Ana, Ansa, Nahnu, Nansa. Sabi Achar. Isnad fiel l'homme, min nasiya il est damayer. Donc là maintenant c'est comme on fait le verbe à l'impératif. Insa, Yahamidu. Donc là on enlève le ya, du moins le alif. Insao, ya aouled, oublié ou les enfants. Donc là, pareillement, on enlevait le alif. Et la preuve que c'est un alif qui a enlevé, c'est la fatra qui est sur le signe. Insei, ya amina, oublié ou amina. Donc là, le ya là, qui est à la fin du insei, c'est le damir, ya mukhataba. Inseina, ya benet. Donc là, on a mis nous n'y soit et on a remis le ya. Du moins, le alif s'est transformé en ya. Samin Achar. Isnad, da'a, il est damir. C'est les mêmes règles. Là, c'est que da'a yadou. Hamidun, da'a. Damir, huwa. El aouled, da'ou. El os, c'est da'ou, ou. On a deux waouh, on enlève l'un des deux. C'est le waouh jama'a qui est resté et le lem du fion, il a été enlevé. Aminatu, da'at. Oslu, da'at. Il t'y consacre kinein, on enlève l'alif. El benet, da'auna. Donc là, on laisse le waouh. Il y a besoin de lui parce qu'il y a une histoire qui vient derrière. Anta, da'auta. Antum, da'autum. Anti, da'auti. Antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Donc le alif, il se transforme en waouh. Quand il est attaché au damayer. A part au jama'a. Tasi achar. Isnad yad'u, il est le damir. Damayer, là c'est le mudalia. Hamidun yad'u, ayyuhua. El aouled yad'oun, aslou yad'oun. Il y a deux waouh, on enlève l'un des deux, celui qui est l'aime du verbe, on laisse le waouh au jama'a. Aminatu tad'u. El benet yad'ouna. Anta tad'u. Antum tad'ouna. Aslou tad'ouna. On enlevait le waou qui est le lem du verbe. On a laissé waou jama'a. Anti tad'ina. Aslou tad'ouina.